Je pense que c'est un matin de gros déjeuner. Quand il fait froid, on a le goût de déjeuner gros. Pas autant que, je sais pas, moi, on peut pas pousser le ridicule jusqu'à boire du bouillon de poisson 3 fois par jour. Mais quand même, chez Normandin, c'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Ce que je veux dire, c'est que chez Normandin, vous déjeunez à l'heure que vous voulez et vous déjeunez ce que vous voulez. Vous l'arrivez le soir avec une game de hockey puis vous tapez un gros déjeuner, vous pouvez le faire. On vous simplifie la vie chez Normandin avec notre café frais toujours offert à volonté. Notre vrai sirop d'érable pur à 100%. Et notre table d'hôte déjeuner pour les plus costauds, les plus gourmands. Un repas 3 services comprenant l'entrée, votre assiette déjeuner préférée et un petit dessert en finale. Oui, une trempette de fruits frais au chocolat, mais moi j'affiche mes couleurs. Je suis pas mal plus de type crêpe roulée au sucre à la crème comme grande finale. Déjeuner à toute heure de la journée, régalez-vous en tout temps. Normandin, déjeuner, c'est à notre goût quand on veut.